On s'est rencontrés, on s'est aimés puis séparés. On a recommencé 10 fois, 100 fois, sans compter. De l'amour à la haine, des insultes au je t'aime. Toi et moi cette fois c'est sûr, c'est terminé.